Chapitre 51 Événements européens. Comme évoqué précédemment, le premier match des YNWA se disputera au Stade de France. L'organisation s'est effectuée comme si on faisait un mondial ou un championnat d'Europe des nations. 28 stades devaient être sélectionnés par la Japan Fédération parmi les 108 candidats. Afin d'effectuer une tournée attractive, la Japan Masters League devait se déplacer dans des stades de 4 calibres différents. Ainsi, on pouvait jouer au Camp Nou de Barcelone, mais également au Stade communal d'Andorre. Certains pays auront le privilège de pouvoir avoir plusieurs stades sélectionnés. Les YNWA Reds connaissent leur calendrier et les domiciles sont assez avantageux. Ils débuteront au Stade de France, où les Français recommencent à s'intéresser au ballon rond. Puis ils iront au Celtic Park, l'une des cathédrales de l'hymne « You'll Never Walk Alone », à l'Estadio San Mamé du Pays Basque, au Stade du Roi Baudouin de Bruxelles, où vit une bonne communauté des Reds, à Wembley, à côté de la maison, au Millennium Stadium du voisin gallois, et pour finir, en Suisse, au Saint-Jacob Park. Les destinations pourront être effectuées par les soldats Reds, meilleurs supporters du monde en 2050. Les stades visités par les Reds ne seront pas exotiques, contrairement, par exemple, au stade communal d'Andorre, qui accueillera au King Club Uralkoli United Kulubu, l'Olympique Adem Jachari de Mitrovice, Kosovo, qui verra le King Club Uralkoli affronter l'Ernik Spurs. Le club d'Uralkoli se déplacera également au Luxembourg pour se confronter à la Vinosa Valencia. Mais le club princier aura une opportunité quasi unique. Elle jouera à domicile, au stade Louis II de Monaco, contre l'Exur Bianconeri. La seule franchise à les imiter sera la Bayern Commune d'Or, qui retrouvera l'Allianz Arena de Munich pour jouer contre l'Uralkoli. Ces 28 enceintes seront pleines à craquer. Que ce soit pour supporter leur équipe ou voir du beau football, les occasions sont uniques pour des pays comme l'Autriche, le Kosovo ou encore la Hongrie, de voir des rencontres de haut niveau. D'autres enceintes sont plus habituées. Le Stade de France revit et rouvre ses portes au football, 20 années après les avoir fermées au ballon rond. Ce n'est que le début, puisque le prochain match international de l'équipe de France devrait se disputer sur cette même pelouse. Les finalistes du dernier mondial devront affronter Jersey. Faitson et Totov 76 peuvent espérer y participer. Tout cela passera obligatoirement par de bonnes performances chez les YNWA Reds. Dernière crainte, Faitson pourra-t-il reposer le pied sur le sol français sans être une nouvelle fois menacé? Chapitre 52 La fin. Tout semble s'être calmé depuis quelques jours. Faitson peut se préparer tout doucement pour ses grands débuts au Stade de France dans une semaine. Mais le joueur français va être confronté à une énorme surprise dès son réveil. En consultant son téléphone, il voit qu'il a raté 17 appels, dont 10 d'inconnus. Avant de pouvoir consulter ses nombreux messages vocaux, on frappe à la porte de son hôtel. Deux représentants de la eSports Fédération sont mandatés pour fouiller la chambre du futur Red. Faitson essaye de se réveiller et de comprendre ce qui lui arrive. La raison? Il va vite la savoir. Les inspecteurs sont de la cellule antidopage. Une enquête a officiellement été ouverte pour soupçon de dopage. Une source aurait informé la ISF que le contrôle antidopage de l'international français n'a pas été transmis à leur laboratoire après son match contre le Qatar et que son prélèvement n'est pas exempt de tout reproche. Les hautes instances pensent que Faitson, si héroïque contre le Qatar, a un petit coup de pouce de produits illicites pour qualifier les Bleus pour les demi-finales. Tout est alors remis en cause. La France pourrait avoir le statut de finaliste du Mondial 2050 retiré. Pire, il pourrait être exclu de toutes les compétitions internationales pendant 4 ans. Mieux encore, les investissements de l'ISF sur la France pourraient être retirés. Sur un plan personnel, Fightson pourrait avoir une suspension exemplaire, la eSports Fédération faisant une véritable chasse aux sorcières concernant les dopés. Si les faits venaient à être avérés, c'est sa carrière qui devrait prendre fin, tout comme le retour en force des Bleus. Une chose est sûre, quelqu'un en veut à Fightson, et plus globalement à la réussite française. Après les menaces, le coup de feu, une autre alternative a été trouvée par ce fauteur de troubles. Fightson pensait être tranquille depuis quelques jours et pouvoir rentrer sereinement sur la pelouse sur le Stade de France le 1er mai prochain. Tout est remis en cause. Tout est aujourd'hui dans les mains des inspecteurs. Ceux-ci repartent bredouilles de la fouille. Ils vont devoir repartir en laboratoire car Fightson leur certifie avoir donné son flacon après le match face au Qatar. Fightson peut consulter ses messages. Parmi eux, outre des messages d'amis, de la famille, de blogueurs, il a l'épouvantable surprise d'écouter son employeur, le président des YNWA Reds. Celui-ci le convoque à Liverpool à 14h afin de faire le point sur sa situation suite au dernier bruit sur son compte. Est-ce la fin pour Fightson chez les YNWA Reds? Chapitre 53. Entretien avec un patron. Fightson est accueilli dans le bureau du patron des YNWA Reds, qui, soit dit en passant, est Phil Thompson Jr., le petit-fils d'un ancien joueur de Liverpool FC. Le visage du boss est fermé et grave. Le joueur français sait qu'il est encore en période d'essai et que le remue-ménage qu'il a provoqué malgré lui ne va pas en sa faveur. Lors de la dernière draft, certaines franchises avaient clairement indiqué ne pas vouloir le recruter, craignant un effet négatif sur leur réputation. Les YNWA Reds vont-ils suivre la vague? En tout cas, Fightson a eu à peine le temps de se remettre de la visite surprise de ce matin qu'il doit affronter son patron. Sa carrière pourrait prendre fin à la fin de ce rendez-vous. Fightson entre dans le bureau, la peur au ventre. Dans un premier temps, Thompson lui demande sa version des faits. Le Français dit qu'il est innocent, le contraire aurait été étonnant. Lors de l'entretien, Fightson a eu un témoignage assez émouvant de la part de son patron. Celui-ci a tenu à lui montrer son soutien. Peu importe ce que décidera la justice, peu importe la réponse de la eSports Fédération, les YNWA Reds ont misé sur lui. Il honorera son contrat de 3 ans avec le club liverpoolien. Il ne retournera pas dans le monde en dehors du ballon rond. Que ce soit en tant que joueur ou membre du staff, Fightson fait partie de la famille des Reds. Fightson sort du bureau les larmes aux yeux. Il est touché par l'appui de son patron. C'est une mentalité très rare en 2050. On parlait de franchises boursières, de ballons d'or Kleenex, mais les YNWA Reds sont uniques au monde désormais. Club très riche, sens de la famille et supporters fidèles depuis des décennies, c'est la recette magique des YNWA Reds. En partant des locaux, il croise Robbie Fowler, qui lui dit qu'il ne marchera jamais seul. Le très controversé ancien attaquant international anglais tient une feuille en main. Il s'agit de l'impression d'un article de VoxPopuli.com faisant suite à une communication officielle de la eSports Fédération. Apparemment, l'enquête est terminée et le verdict est tombé. En cas de contrôle positif, Fightson ne portera plus le maillot bleu, l'équipe de France ainsi que le football français devraient sombrer. Mais le joueur restera au sein de la famille Reds. Le nec plus ultra serait d'avoir un contrôle négatif et porter le maillot des YNWA Reds le 1er mai au Stade de France pour y affronter les Hernik Spurs. Le match aura lieu tout de même, avec ou sans Fightson, dans 10 jours. Chapitre 54. La chasse aux caribous. Fightson est suspendu aux lèvres de Robbie Fowler. Il écoute le papier donnant des nouvelles de son affaire de soupçon de dopage. La eSports Fédération a ressorti et retrouvé les analyses effectuées durant le match des Bleus face au Qatar et les résultats de Fightson étaient négatifs aux produits dopants. Les sources incriminant le Français étaient totalement fausses est juste indiqué pour déstabiliser le joueur. Mais Faitsan sait que sa réputation a pris un énorme coup. Malgré son innocence, dans la tête de certains, il restera le dopé. Après l'image de tricheur prêt à se faire expulser d'un match pour signer au Japon, il est aujourd'hui l'homme qui se serait dopé. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour lui. Peu importe. Faitsan rejoint son nouvel ami, Totov 76, pour un rassemblement exceptionnel de l'équipe de France de football. La FFF ne savait pas si elle allait pouvoir jouer une rencontre amicale et restait en attente de la décision de la ISF. C'est pour cela que les 16 convoqués pour porter le maillot bleu vont affronter une modeste équipe. Ce sera une bonne occasion de retrouver certains héros du dernier mondial bien avant leur prochain match officiel contre Jersey. Nous aurons à Clairefontaine un match sans enjeu pour les coéquipiers de Faitsan et de Totov 76 face à une sélection de footballeurs québécois. Québec n'a pas pris son indépendance et appartient toujours au Canada. Niveau Saucers, Québec est un des majoritaires fournisseurs de la sélection canadienne. Invitée pour célébrer la francophonie, la sélection non officielle québécoise veut prouver qu'un jour, ils pourraient avoir leur équipe nationale affiliée à la ISF sans être un État indépendant. Ils sont emmenés par un capitaine assez emblématique, un véritable ambassadeur du football québécois, Caribou 123. Très attaché à son pays, le joueur a refusé plusieurs offres de grandes franchises pour rester au Canada et promouvoir le Saucer dans sa nation. Un vrai exemple de fidélité. La sélection française a un peu changé. On a de nouveaux arrivants, d'autres qui n'ont pas été rappelés après le mondial, et certains ont pris leur retraite. Parmi les 16 élus, on a nos deux Reds, Faitsan et Totov 76. Mais nous avons également Coca, Tots 511, Weebox, Le Chapeau, Deal 48, Aldebi, Nabir 69, Wolf 75, Bella, Tommy 61, Ricky 3402, Gourou, Killer Crush 23 et Delpino 50. L'équipe de France n'est pas morte. Le match est sans ambition, juste une rencontre pour revoir certaines têtes, voir le niveau des uns et des autres. Et à ce petit jeu, la France n'a pas fait dans la demi-mesure, en s'imposant 4-1 avec des buts de Totov 76, Coca, Tots 511 et Weebox. Faitsan n'a pas marqué et a même raté un pénalty, sûrement éreinté par la journée riche en rebondissements. De son côté, Caribou 123 a été l'unique buteur québécois. C'était une ultime répétition pour Faitsan et Totov 76 avant leur grand début au Stade de France le 1er mai. Encore faudra-t-il être titulaire face aux monstres professionnels depuis des années et habitué aux grandes rencontres entre franchises. Chapitre 55. Dur verdict. Vendredi 29 avril, la totalité de l'effectif liverpoolien est en Angleterre. Ils se sont réunis afin de voir quel groupe se déplacera en France. Parmi les 40 joueurs sous contrat, seuls 16 iront au Stade de France pour y affronter l'Ernik Spurs. Les 24 autres resteront au Holding Center afin de se perfectionner. La rencontre est même prévue entre les noms sélectionnés. Faitsan et Totov 76 ne se voilent pas la face. Ils savent qu'ils ne sont que des rookies et face à ces monstres, ça sera difficile d'être titulaire dès la première rencontre. Mais l'occasion était si bonne. Jouer devant leur public français aurait pu être un vrai symbole. Le groupe sera communiqué avant le dernier entraînement sur le sol anglais. Après cet exercice, ils rejoindront la capitale française. C'est le board, composé des membres du club VIP YNWA Reds, qui décide des heureux élus. Et sans surprise, Faitsan et Totov 76 n'ont pas encore tapé dans l'œil des décisionnaires des Reds. Ils ne fouleront pas la pelouse du Stade de France avec le maillot rouge. Ils pourront se rattraper avec le prochain match officiel de l'équipe de France contre Jersey. Mais on peut sentir la déception dans les yeux des deux Français, au même titre que les 22 autres laissés pour compte. Tutov 76 traîne un peu des pieds à l'entraînement. Il n'est pas motivé pour participer à cette séance, surtout pour préparer un vulgaire match entre coupeurs de citron. Fightson est plus professionnel et se donne à fond. Pourquoi? Car il se sait déjà heureux d'être dans cette franchise, et en vie. Cette motivation est remarquée par les observateurs spécialisés, tellement qu'il devrait porter le brassard de capitaine d'une des deux équipes liverpooliennes lors du match amical. La roue tournera sûrement pour lui. Il aura un jour le droit d'être titulaire avec les acteurs de la Japan Masters League. Le prochain match des NYWA Reds se disputera dans 15 jours, à Glasgow, contre le KAM City. Les deux Français espèrent être appelés. Mais bien avant cela, il y a cet entraînement où tout peut se passer. Tout, même un énorme coup du destin. Dans un choc, deux titulaires entrent en contact, l'un des deux reste au sol. Il va devoir déclarer forfait pour la rencontre contre l'Ernik Spurs. Un laissé-pour-compte va avoir la chance de rejoindre, de justesse, le vol Liverpool-Paris pour défendre les couleurs des YNWA Reds. Salué pour son professionnalisme, Fightson est désigné comme étant l'heureux élu par le board. Le travail paye. Fightson sera le 1er mai au Stade de France pour éventuellement faire ses débuts en Japan Masters League.